Er weer een uur de silo heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Henda Bredonk. Bonjour, c'est Anne-Henri sur RKB pour Henda Bredonk. Donc aujourd'hui l'émission 358 et pour Gario Arvué, on continue sur les légumes. Oui, on va continuer notre petite promenade légumière dans le jardin. C'est une bonne époque, hein, en arrière-saison comme ça. Voilà, alors donc on avait parlé un petit peu des différents types de légumes, hein, les légumes feuilles, les légumes racines, tout ça. Et alors il y a une particularité en breton, c'est que quand on parle des légumes, c'est toujours un mot collectif. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire carottes, c'est des carottes. Et alors, si on veut faire dire une carotte, il faut faire un singulatif, garottesen. Mais ça ne se fait rarement, hein. En général, on parle toujours des carottes en général, voilà. Parce qu'en général, il y en a plusieurs. Bon, par exemple, si on parle des pois, on va dire pis. Mm-hmm. Hein. Voilà. Si on parle de poireaux, on va dire pour. Si on parle d'échalotes, par exemple, on va dire chalotes. Hein. Chalotes, voilà. Pour parler de, alors des os AULX, on va dire quignon. L'ail, ouais, l'ail et les os. Hein. Donc on dit quignon, hein. On reviendra sur ce mot-là d'ailleurs. Tomates, par exemple, pour les tomates, hein, voilà. Donc toujours des mots collectifs. Alors on va passer un petit peu ça en revue. Alors la pomme de terre, c'est un petit peu particulier. La pomme de terre, quand elle a été introduite, hein, on a du mal à imaginer d'ailleurs que la pomme de terre a été introduite au XVIe-XVIIe siècle, hein, parce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui vivre sans pomme de terre. Hein, pato BMT, hein, tous les jours, hein, on mange des pommes de terre. Donc on a du mal à imaginer qu'effectivement nos ancêtres ont vécu sans pommes de terre. Et donc, pour se procurer de l'amidon et donc de l'énergie, eh ben, ils utilisaient des céréales. Mm-hmm. Hein, donc, Quoi, le sel, le sarrasin. Oui, le sarrasin et l'avoine aussi. Hein, le houtière, qu'on a connu quand on était jeune. Bon, ça se fait encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et les Irlandais aussi, par exemple, hein, utilisaient beaucoup l'avoine pour l'alimentation humaine. Ensuite, c'est passé plutôt pour les chevaux. Bon, enfin, l'homme et le cheval, c'est si proche, hein, finalement. Donc, voilà. Donc, donc, la pomme de terre, quand elle était introduite, on l'appelait pas pomme de terre, on l'appelait les cartoufles. Hein. Donc, ce qui est resté en allemand, hein, kartoffeln. Hein. Oui, la cartoufle. Hein. Dans les vieux écrits, par exemple, Olivier de Serres, hein, au XVIe siècle, entre nous soit dit, c'était bien avant Parmentier, hein, donc parce qu'il y a l'histoire de Parmentier qui a introduit la pomme de terre. En fait, il l'a popularisée, mais elle était introduite depuis déjà pas mal de temps. Et dans Olivier de Serres, il parle de la cartoufle. Hein, et ça s'est resté un certain temps, et le mot a complètement disparu aujourd'hui. Hein, il n'y a plus que quelques érudits qui connaissent ce mot-là, mais... ça a été pendant longtemps la cartoufle et finalement quand on a baptisé la pomme de terre par analogie avec le fruit, hein, les gens se sont plutôt mis à dire patate, hein. En langage populaire c'est la patate qui est une autre plante, hein, la patate qui n'a rien à voir avec la pomme de terre, enfin sauf qu'il y a un tubercule qui ressemble un peu à de la pomme de terre, quoi. La patate douce, ouais, qui est une hypomée, hein. Hypomea batatas, ah bon, oui. Mais les hypomées, c'est des fleurs. Voilà, qu'on veut le vulacer, qui grimpe, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, la patate douce, hein, ça, quand on, je me souviens, à une certaine époque, on en faisait des plantes d'appartement, le temps que le tubercule durait, en fait. Et donc, ça faisait des plantes très volubiles, oui, c'est ça, oui. Donc, la patate douce, donc le nom populaire, patate, qui en breton a donné patates ou pato. Hein. On parle beaucoup, hein, de patates, par exemple, ragoût mécanique, calze patates à un nebe de guiche. Hein. Le ragoût du moteur, hein, beaucoup de patates et peu de viande. Enfin, ça, c'était pour ironiser. Hein. Ça parlait de quoi, ça? Le ragoût, c'était ce qu'on faisait pour les battages, quoi, le repas de battage, quoi. Calze patates à un nebe de guiche, hein. Beaucoup de patates et pas beaucoup de viande. Cher. Bah oui, oui, oui, oui. Il y avait un peu de saucisse, un peu de... Mais voilà, et donc, alors selon les endroits, hein, on parle, on dit patates ou pato, ici on dit plutôt pato, ou avalodouar, hein, le terme français, enfin traduit du français, avalodouar est passé aussi en breton. Il y a des endroits où on dit avalodouar, hein. Mais ici c'est pato, hein, pato. Alors évidemment, il y a toute une culture autour de la pomme de terre, hein, parce que les pommes de terre, on les prépare différemment, hein. Pato roast, par exemple, hein. Les patates rôties, pato de kixal. Pato cream. Hein, pato cri, ça c'est la patate crue, quoi. Non, cri, ah oui, cri, ouais, ouais, grillé, quoi, ouais. Pato. Accroche dans le fond de la casserole. Ouais, oui, voilà, oui, c'est le krivin, hein, krivin qu'il y a dans le fond de la casserole ou de la chorden, hein, comme on disait, voilà. Et puis, bon, il y avait aussi les pommes de terre pour les cochons, hein, pato mort, hein, donc préparé dans une chaudière, mais qu'on mangeait aussi, hein, quand on passait par là, c'était excellent. Hein. On a tous avec les... des betteraves, non? Ah oui, oh, bah, un peu de tout, du son, même un peu de crottin de cheval, ça fait pas de mal. Oh. Si, oui, dans le bois de mort, quoi. Le bois de mort, hein, donc la nourriture des cochons. Oui, oui, on mettait un peu de crottin de cheval, hein, il digère pas la même chose, donc c'était... Puis ça donne... c'est un condiment, paraît-il, que les cochons apprécient, quoi. Mais nous, on mangeait sans le crottin, hein. on mangeait la pomme de terre, quoi. Voilà, alors... Donc, pomme de terre qui est un féculent. Alors, il y a tout un vocabulaire, hein, au niveau des pommes de terre. Hein. Par exemple, hard pato, c'est la semence. Hein. Alors, hard, c'est pas seulement la graine, c'est aussi pour n'importe quelle semence, on dit hard. Hein. Hard pato. Alors, après, bon, bien sûr, hein, la plantation. Douar in pato, hein, c'est buter les pommes de terre. Hein. On les recouvre de pommes de terre pour que... qu'elles ne verdissent pas, hein, voilà, et puis qu'elles puissent se développer dans la terre meuble. Hein. Paya de pato, c'est éplucher les pommes de terre. Peve mambos hober crampus ne ve que paya pato, comme dit la petite polka, là. Voilà. Tena de pato. Et Tena de pato, alors il y a une chanson, hein, qui était chantée par les sœurs Guadec, et puis par d'autres gens, parce que oui, c'était... Oui, voilà, oui. Oui, parce que l'arrachage de pommes de terre, c'était l'agence matrimoniale. Hein. C'était là souvent là qu'on rencontrait son conjoint. C'était la dernière chance de l'été. Hein. Après, il fallait attendre. Voilà. Et donc cette chanson qui est amusante, ouais, raconte ça, quoi. Hein, comment les filles se préparaient comme des princesses pour aller tirer les patates, ce qui n'était pas nécessité par le travail. Mais par la rencontre, voilà. Elles essayaient de se présenter sous leur meilleur jour, et les hommes aussi, bien sûr. Hein, et puis les hommes montraient leur force, hein, leur énergie, voilà. Et le soir, on faisait une nonzastena de pato, donc une soirée, quoi, pour concrétiser les rencontres de la journée. Ben, ma foi, on va s'arrêter là, pour une tena de pato. Merci, Henri. Deuxième partie d'émission, Brezhonek t'en m'attend. Thank you. deuxième partie d'émission. Alors, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, pour Brezhoneg Tamba Tamb, Iwan et Chanik n'étaient pas à Zantolek. Non. Mais non. À Saint-Ernin. Oui, alors, c'est pas le même Iwan que la dernière fois. Ah. Celui-ci, c'est Iwan Orbris, donc, qui est un vieux célibataire qui habite à côté de la chapelle Saint-Ernin, donc à Kerizel. Et donc, qui ouvre la chapelle pour les journées du patrimoine. Donc, chaque année au mois de septembre. Alors là, on est allé les enregistrer et on les écoute. Des maths d'or, Iwan. Salut, Chanik. L'arrêt d'Inta, Iwan. Pure, oui. Mi et Iwan de Brise, au chom Bakerizel, Armand. Pelzo, or au chom Armand, Bakerizel. Feya, va, bouéwan or bugel, au chom Armand, t'as leur chapelle. Oui, Iwan, zo, laboureur doua. Non que tine, grémeuse vie, charge pas de pelle, mais vraiment, on doit me lever. Oui, à Wardroir, à chapelle. Ah, ya, n'est-ce de rendre un drôle de chapelle, à Gébar, ce véjou, à Pévédigour, de Velhudu, un content d'un dut, histoire chapelle. Donc maintenant, on va expliquer, on va reprendre tout ça, Henri. On va reprendre un peu tout ça, oui. Phrase par phrase. Phrase par phrase. Démad d'or, Iwan. Oui, alors elle dit démad, hein, ce qui n'est pas souvent le cas ici, mais elle a été aux écoles, tu sais bien. Voilà. Donc elle dit démad, hein, bonjour à vous, Iwan. Voilà. Et Iwan répond juste lui, salut Chanik. Chanik, voilà. L'arrêt d'Inta, Iwan, pure, oui. Oui, dites-moi, Iwan, qui êtes-vous, pure, oui. Ça se fait souvent comme quand on interviewe quelqu'un, on commence par lui demander de se présenter un petit peu. Mais Iwan Orbris, au chom Bakerizel, en main. Oui, je suis Iwan Orbris, hein, au chom Bakerizel, en main, qui habite, donc, qui est en train d'habiter, c'est une forme progressive, hein. À Kerizel, en Mans, ici. Pelzo or au chôme en Mans, à Kerizel, demande Chanik. Oui, Pelzo or chôme en Mans. Hein. Vous êtes, depuis longtemps, vous êtes en train d'habiter ici, hein, si on traduisait littéralement, à Kerizel. Hein, c'est un des villages de Zantolog. Feyavat, Bouiwan or Bugel, on au chôme en Mans, t'as la chapelle. Oui, Feyavat, oui, sûr. Depuis que j'étais un enfant, j'habite ici. Bouiwan or Bugel, hein. On au chaud maman, t'as leur chapelle, près de la chapelle, à l'ombre du clocher. Oh, c'est joli ça. Oui, Iwan, zo laboureur, douar, demande Chanik. Oui, vous, Iwan, vous êtes agriculteur, cultivateur, paysan. Hein. Non, cultine. Grès de mesarvi, jersey, pas de pelle, mais vraiment, en voir me lever. Me lever, oui. Alors, non, cultine, je ne le suis plus. Grès de mesarvi, jersey, pas de pelle. J'ai fait ce métier-là. Pas de pelle pendant longtemps. Mais vraiment, on doit me lever. Mais maintenant, je suis sur mes rentes. Alors, c'est, oui, alors ça veut dire qu'on est en retraite. Hein. Mise au voir me lever, hein, c'est un vieux mot, hein, lever. Hein. Donc, les rentes. Hein. Donc, je vis de mes rentes. Donc, je suis en retraite. Oui, Ara Wardroir Chapelle, demande Chanik. Oui, alors vous vous occupez de la chapelle. Alors, en breton, on dit souvent ça, Ober Wardro. Hein. Ober Wardro, c'est s'occuper de. Ober Wardro, l'on est de s'occuper des bêtes. Bugal et tout ça, Wardro. Hein. Faire autour. Hein. Celui-là fait autour de ses bêtes. Là. Voilà. Il est allé faire ses bêtes, ça se dit encore d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est un bretonnisme. Hein. Mm. Et très, très employé, hein, au Wardro. Oui, au Wardro, au chapelle. Vous vous occupez de la chapelle. Et Iwan répond. Ah, ya, n'état d'arrendro, au chapelle, à Gébars, à Véchaud, oui. À Pavé d'Igoret et Velhudu, à Gontan d'Andud, histoire à chapelle. Voilà. Alors, il répond. Ah oui, je nettoie, n'état d'arrendre, un drôle de chapelle, hein. Lui, il coupe d'ailleurs, il dit Droder Chapel, hein, parce que c'est dans la langue populaire, on dit plutôt comme ça. Netadron Droder Chapel, je m'occupe, donc je nettoie autour de la chapelle. Et Bars Vejo, et parfois à l'intérieur, parce que normalement, c'est pas lui. Hein, normalement, il y a des dames qui s'occupent de l'intérieur. Alors là, il y a une petite pointe d'ironie, quoi. Il dit des fois aussi à l'intérieur. Voilà. On va tout savoir. Oui, oui, oui. Ah bah oui, ah bah, faut connaître le contexte. Hein. À PV d'Igor, des Velhudu, et quand c'est ouvert, comme aujourd'hui, donc pour les journées du patrimoine et pour d'autres occasions, Gontan Dundud, Histoire Chapel. Je raconte aux gens l'histoire de la chapelle. Ouais. Et bah, c'est ce qu'on entendra la prochaine fois. Ben voilà. Très bien. À la prochaine. Merci, Henri. Donc troisième partie d'émission, Setuéri Petrazone Vervro. Petrazone Vervro, calzadrao et veljus boervij diouzan. Krogom de dienton vel custum grande la bourdoua. Eruom bremont ba finenant, ba mis gwengolo pelar in mod, hag waler pardon bulan herve oregos bopet, de spep tout agouet, de l'arade, voglo hag arvel. Amant ba vro, ne ke bir eval un amzor viden trevadou. Sterloir et ben me mestra zéri vwen, mais yor de zo bet pa de nan de beur igan de lonet, hag ne de zo bet zer un manoir. Met, ne ke be kon de jis, pe velard en trov el moin, pe vler war ur bet, da skouer ban Amerik zo bet ur zéro spontus, hag prise ne de nan zo et de kazwarog war marat Chicago. Set us yor war, vo u el prise ne war marat ur bet, ur blamant, hag evel just vo ive ul priz ur bouet londet, da skouer priz ur bouet mor evel just. Nevezo, oa bez arvet ur gevridigez neve, hag zo handvet labourer yon dou ar breiz, galage agriculteur de Bretagne. A pal ur gevridigez e diven micher labourer yon dou ar, hag iskeudan, pez velaret galage vraiment l'image. Gerstur gevridigez e galag, agriculteur de Bretagne, bien plus que vous nourrir. Hag du roi peut se bégoile déjà, ur bruder se visé ba ze gazete nou. Klaskera ur gevrilig ese, diskwez, pe sa mod veget labour dou ar hudun de, pe se labour vegret gant un labourer un dou ar war dro un trevadou hag lonet, a pe sa mod vet douget de vraiment, de zen en dro, de la rade benefin, zevel ur skeud neve de ze vichan. Hag evel just evel ar mad zo begret ur logo vize, zo bekrouet ur logo, gant un erminik, hein, bedur erminik e, ar oez breiz. Kaz eureuz zo bet bavro gant afer un mahadour hir, dou. Hag nanket de gomz kalz de se hudu, met waler vo hat gomz de se, pe vo skler ar an trau. Ka bet a bremañ ne ke gwal skler an trau. Adam vraiment war d'achen un endro ma peswan. Comme je me star ba miseven moi comme je tar de zemvo de Rio wa bet zave de Hugen la wa l'air ni di diantan ba Rio et juste hag neus ke deux cas de drame de zena far ze jiwas hag ma trezen vo tro de gong de se vois ar vich peneket vichon montan moi d'achen un endro ne vaisseau nel peo, gevridig ez a ra wardro en neunet, vid gwarez in en neunet ma peswant, en eus lidet ide a bla, kant vlaso a bekrouet, ur bla 1920. Hag evit ino ri e labour zo begret gant un nel peo, ur post, neus im bandet pevar dimp, gant skedenou eunet warne. Hag war onan deuse ve gwell eo d'or boran, goudret petar eo boran, eso, pez velar d'or perroket mor, au père au père père également il y a macareux moi je suis bad ya ag zone tombe vélo père ok dag ya ag war war inis rusic zo war dro do hand goubla de boran dis quoi ag il va juste arinso une de round tout le bandou un bon une de azo narwe zone tombe de ce de ce LPO bénéfice Zuroir pe on chom war un andro ar parce que betro de glaive de Patrick Pustor au comps de war vagin ou RKB, hag hemant zo labourad un dro de l'anneil ar Lambert à Gronvel, an evezo zo begret o vignogen, o vignogen il y ba le kreiz de l'anneil, vi tout un dut, mamez un dut empêchet, ma trezen peus begwell ze, ba Gronvel, hag e bra de velet. Bon vi jen amzer gontandar, ivi de ze nen kreiz breiz, nen broadel, kant pevar a trugen, Galag RN164 a trouvé de dur vision arms of again on Tom Zaitus que de say hein a bénéfice ma très un vos grade vos échuet a arrez au grade on Tom Zaitus gel roise au Nanterlé puis de d'un kilomètre ma personne un drôle de zone mer hein bah tas de randin a bon temps ma tom a trop war homme me tram a dans vraiment un temps voir d'ache une zévenadure Neveso ou et nanan le Edouard Rébillé ou médecine zo bit pa pel médecine bacalac pa hoer la tregon pelarin mot Hag un vigel, moi, comme je te sais, ben abandon, mais de l'oncle Wabider, Penad Gonder, Niorziater, à cette urétine radlaret. Ya, Edmond Rébillé, Wabigan, Baplo Hermel, Ebla Milno Hanwer, Warnugen, Milno Hanwer Warnugen, Pelarimbad, Hag, sais-tu, Wawer là, à Pevarugen. Hag, Gand, Wabaplo Hermel, puis dur, Yvan, Waworskol, Baplo Hermel, Hagidad, Wapodentai, ou Baboulvriak. Hag bon tramen eus yo ankiz ba boulvriag a ba gwengan, hag oa l'air an eus gred i studi meudesin. Hag pen oa gred i studi meudesin, oa ed an onstaï an de bakalak, ba blaonan a hanter kan, hag moa chome de meudesin a kalz dud eus e vron eus bihan a venant, hag en mor ebiye neus gred kalz e dro evit ar vro, hag evit un touriste les ba vro. Plus dur, crédit arrêt ou un homme sur deux ondes, vidre vos hommes, l'arrêt et l'art, guatneuse, au nom sur deux ondes, cas de dix au rond cuite, mais, vos disparts, et puis sauguit en bénéfice, en ce que mes élèves d'un drôle dîme, hein, en beau disparts. Hag, crou, niwa, strolad, vidon douristeles, bah, blanc mille no rentrug, à croque de scrive, au léveil, ou à revro, on tombe léver, niwa gred, ou à calac, trois drôles. Hag oa l'air ne s'beskrive l'o bern trov, da skouer ne s'krive de montadon oa roudou skrivan er yen odou en arvor, ze oa itinéraire littéraire en argoat, hag azi ne s'komz de skalz skrivan er yen, a hendel ne s'beskrive pejo hoari, hag hendel romanch ouvel un diod zo mar ba burtul, zo ranavet tre, Puis dur obligé à burtu le temps. À goule ni wa bout de intérêt de burtu le de peso bigret hein ivre que so burtu le de ivé. La roi de secret autour de Guingamp. La roi de secret autour de Guingamp de se bescrive de à calze drowel hein à gred grain de calze brésegen ou à casse une dute vol et au berntrog ne secret pas de ils ont dit labouré au bern vide vro. À jongerai Ma trezen vije betu d'oborer mirdi benefin war tout de binvidig zo banar gwat. Bon, je n'ai que begret, mais ma trezen o vej penek vo gret. Puis dur peve hard de ar grun en vej o eti wan o aler, pel o aler. Bon, puis dur on komp de studet de nanan, war ez lozar fin a sefirin, zefirin, zo en eveso de nanan, kom zo moa de ze deja, men kol o debet gant an urziat ar an de halar a ze, Mais je dit dans le réalisateur. Gé, mais vejo, vélong que trop grand temps, voire que perec, trop ma display, j'attends le réalisateur, ma treize, en voire que. Hag, un dit, wars, de zobé de gueule à Dalise, quand on va faire ce nom, j'ai un drôle de boulot, on a de garès. Hag, bon, vraiment, il y a de nanang, de zoras au plus jade, de grand et bananang, de bon. Et non, mais quand on va hâte, voire que. Hag o c'hant ur c'hell deus vro c'hoaz, Jean Lemeut deus Brogwenet, zo c'hant ur mat, zo en nevesso de nanang c'hoaz. Bon, chom mon tamm bremañ war dach en eus evenadur, kalz eus stajou eus o begret ur blam c'hoaz, evit diski brezon eus d'un dut, da skouer staj KEAV, kambet regelti gevrezon egerien, hez ekos an hin izo, hag oa ba Kastelin, ba skol lor gordouar, stage où elles au Begret, gant Roudour, gant Stumdi, gant Skol en Emzav, stage ar Vals ou à Babi ou en Dour, blanc, bleuzi les eaux galak, à Waler en Dristro Skol, vraiment, à Hadkrog ou Guéridig, et d'Ober Kentil ou Brezondok, Velvegret en me gant Batal en Dour, au Vége Zune, à Matrez en Vaumur, du blanc, l'art de rendre des mondes, plus je sais. Bon Hendel, war Dash en Brezondok, zo, Tielou ma, tielou val, beb sort, kleve meus vo gret un nenten diouyez bakalak, pe sou bra, me mestra, ayar, digor et vo, l'air elve et balouan ge tresse fal ar un trou, pu dur, kuzu lor barouz, neus diviz et benefin, rei lam de diouan, ze zo trist un tam, bon, trou hawa rog, trou hawa dre, gwele meus ba karez oa pude, no vaz gant liver, Lévrik Fami, puis dire vige gred Lévrik Fami galaga ag raison ag bénéfine Varnerien des lar de oisé mais lesen barmo wa big vote d'or lesen pas de dispar warzé ma trace noire. Quelle est votre pièce à moudre? Ou alors, une trop à voir, ou d'en avoir rien, j'ai joué un tango, un temps, ma personne. Alors, pas de rogue et tout, pas de rien, quoi. Bon, c'est un temps de spéçonner à Bavro, avec Benvegel, vos compteroises. Quelle heure? Ya, tu es Norvégel, ya.